110%, ici Bruno le 4 Corbin. En manchette ce soir, sueur, flatulence, haleine et catholicisme. Alors, les médecins chinois sont abasourdis par un homme qui suvère. Cheng Chung-sao, 52 ans, affirme que depuis le mois de novembre, il avait remarqué que ses sous-vêtements, ses draps et même l'eau de sa douche devenaient vertes. Cette condition ne lui apporte aucun inconfort. Après avoir nettoyé ses tours de bras bien à fond, ça coulait toujours vert. Les prises de sang n'ont rien prouvé d'anormal. Aucune cause n'a encore été trouvée. De toute beauté, vous êtes où? Vous êtes à 70%. Pour ça. Oh yeah! Des fois on a des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy qui joue au Magic Zelda dans un band de punk. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh La seule solution possible, si t'es pas content, tu te fais vomir. C'est simple, c'est efficace et ça fait le travail en défensive. Vous êtes à 70%. Je vais partir la toune de fond tranquillement. Mega Man 2, bon vieux classique, hein, ça fait le travail ça aussi. Airman! Yes. Il y en a qui aiment pas ça, je comprends pas. Hey, non, mais sinon, c'est ils ont juste le... à se faire vomir. Voilà, tout simplement. Non, mais c'est le début de la période des cadeaux, hein, la période des cadeaux, la période de Noël. Et puis, ouais. Ben, pour nos auditeurs, on a eu quoi? On a eu Réal V. Benoît en entrevue. Et voilà, on a eu Réal V. Benoît en entrevue. Et puis, ben sinon, on a Days of Hell, qui est quand même de la haute qualité. Là, on va commencer tout de suite l'émission, ben, sans parler des Bruno, qui est de retour avec des nouvelles, hein, vous l'avez encore entendu. Toujours. L'homme yes. qui suvère en chaîne, c'est de toute beauté. Aïe, aïe, aïe. On va écouter une petite de Chopin avant de revenir avec le premier bloc de Days of Hell. Puis, comme l'entrevue avec Réal V. Benoît, un sympathique monsieur de Rouyn-Noranda est préenregistré, on va y aller par bloc aléatoire, là, sans rien vous enlever. Là. On va faire ça sur plusieurs semaines, en fait, vu qu'on a jasé avec lui 1h30. Ouais, à peu près. Ouais. Donc, on veut pas tout vous sortir ça d'un bloc. Faut que ça reste 70% parce que c'était beaucoup plus quand on parlait à monsieur Réal V. Benoît, un vrai de vrai. Donc, c'est ça, on va tout le mettre en intégrale. On l'a même pas réécouté depuis. Là, je l'ai même pas revu. Il est supposé être dans l'ordinateur. Notre directeur de la programmation nous l'a promis. Donc, sinon, vous savez, à qui envoyer votre plainte. Donc, c'est Chopin Prélude au mariage, puis on vous revient à 70% pour une vraie dose de vraie valeur. Après le thème de Airman, hein, on finit juste pile dessus, on est fort. Qu'est-ce que je dis là? Je dis, vous écoutez Laisse parler ton cœur. Oui, ouais. Même, rappelez-moi le titre de l'émission. 70%. Oui. Ben, c'est bon de même. Non, mais c'est pas moi de le demander avant. Ben bien. Oui. Alors, un indicatif. Alors, vous écoutez 70%, ici Philippe Schnob. Non, c'est pas bon, ça. Attends, bon, on peut le reprendre. On peut le reprendre, hein. Mais on va garder celui-là, mais on peut faire à croire. OK. Ben, ici Philippe Schnob, ça m'a fait plaisir de participer à 70% et sachant qu'on peut le réécouter et écouter aussi sur Internet, ben, ça me fera plaisir d'aller jeter une oreille à l'occasion. Et voilà, c'est go. Philippe Schnob, ben oui, de Radio-Canada, qui était passé à 70%. L'émission est encore en archive. Donc, on est pas mal chargé aujourd'hui. Hein? C'est la période de Noël, tellement de cadeaux à donner. Moi, celui que j'ai amené pour tout le monde, c'est Jour d'enfer, Days of Hell, I Giorno dell'Inferno, dans la langue originale. Ce qui est bizarre, c'est que à l'origine, c'est un film qui a été diffusé en Italie, mais qui a été tourné en anglais, puis ensuite traduit en Italie. Ouais, c'est ça, c'est dur à comprendre. C'est la joie des Runaway Productions, mais on va en reparler. Un autre des premiers douteux que nous avons jadis loué. Quelque part en 1996, au Super Choix 24 heures de Val-d'Or. On était tout prêt. On était prêt, cependant. En fait, cette fois-là, on était prêt et on savait ce qu'on cherchait. Et dans tous les aspects, on le trouva. Wow! Résultat du Runaway Production américain, crosse financière utilisée surtout par les USA pour contre-attaquer les quotas de films exportables-importables, Days of l'Enfer, Jour of Hell, est un amalgame de tout ce qui peut faire mal à un amateur de cinéma. Séquence d'action vaine, acting abysmal, scénario scène par scène, wow! Bien que l'on doive affronter quelques 15 minutes de dialogue d'infect du situant l'action en début de film, on peut quand même surprendre Conrad Nichols dans le rôle du capitaine Williams lors d'une séquence d'entraînement facultative dans son apparat de quasi-bédaine pour rien qui a fait sa renommée auprès des vrais amateurs du domaine douteux. Donc, accrochez-vous. Vous êtes prêts de subir un des 5 moins bons films que j'ai vus de toute ma vie. Et la liste de l'encyclopédie contient présentement environ 1002 films. Si on fait la mathématique rapide, I Giorni dell'Inferno est plus douteux que 0,05% des films que l'on s'est arrangé pour croiser dans le but d'y trouver du pas bon. Du douteux, pardon. C'est quand je parle d'eux autres, tu sais, j'essaie tout le temps de rester douteux, questionnable. Ouais. Mais là, quand que je parle de ça, c'est objectif. Ce soir, on va lancer des acquis. Pour les plus intimes du mouvement, remarquez la dame qui va mourir vers la fin. Remarquez sa litanie incessante qui mène immanquablement au rire. Un râle de moribond comique aux larmes. C'est du rarement vu, ça. Ouh. Finalement, Conrad Nichols, Luigi Mezzanotte dans son vrai nom, impossible de ne pas crouler sous son sourire de dentifrice et son bronzéisme trop apparent. C'est, de ma connaissance, l'acteur douteux qui a, virgule, avec Max Steyer de L'Arme absolue qu'on a adoré l'autre fois. Yes. Au Rocket, l'acteur douteux qui a le plus de fans invétérés. On ne craint pas. On va le revoir dans le futur, notamment dans Rush. Et puis... D'autres affaires. D'autres affaires qui sont jamais bien, bien excellentes. Donc, on va se lancer dans la première séquence. Vous allez comprendre tout de suite que les deux gouvernements ont besoin du meilleur des meilleurs pour une dernière mission, puis blablabla, là, comme d'habitude. C'est un chef hors pair. Il a l'esprit vif, il sait intervenir dans n'importe quelle situation. Même lorsqu'il s'agit de tuer? Surtout à cette occasion. Le meilleur. Williams et ses hommes sont des experts en arts martiaux et pratiquent les techniques de combat les plus sophistiquées. Promis. Est-ce que ça avait des guns aussi? Je pense en effet que ces hommes devraient être capables de mener à bien cette délicate mission, général. Non seulement je le pense, mais j'en suis certain. Mais ce professeur Sanders, il est de la même trempe que les autres? Vous posez cette question parce que... vous n'avez jamais vu la section D en action. Est-ce qu'ils vont ouvrir c'est une porte? Chose. Oui, oui. On va voir, les ninjas, c'est super entraîné. Parfait. C'est juste avant. Faites-le entrer. C'est ça, vu qu'il parlait pas quand il faisait ça, je l'ai pas mis. Okay. Messieurs. Et voilà, le capitaine Williams. Je vous présente le capitaine Williams. Oui. Ah, Conrad. Enchanté, vous allez bien? Ah, souriant, vous sentez son charisme, hein? Ouais. Je vous dis que ça juste dans sa traduction, déjà. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce professeur? Du patriotisme en concert? Oui, mais vous verrez, il vous surprendra. Il vous sera d'une aide précieuse. Pas si vite, général. Écoutez ça. Je suis tout oui. Black Sparrow appelle la base. Black Sparrow appelle la base. Ici la base, Black Sparrow. Nous vous recevons. Mais il y a des parasites. Que se passe-t-il? La surveillance de la zone X s'avère négative. J'entame la procédure de surveillance aux instruments. Attention, la base, mon écran radar m'indique qu'un appareil s'approche. Mayday! Ça n'a pas été long. Nous avons déjà perdu trois avions comme ça. Et il n'y a aucun indice. Nos adversaires ont l'art de brouiller les cartes. C'est encore au Moyen-Orient? C'est exact. Vous êtes des nôtres, Capitaine Williams? Attendez une minute, Général. Grayson, Russell et moi sommes des civils. Et si vous croyez nous satisfaire avec un drapeau ou une médaille, gardez ces honneurs pour vos soldats. Capitaine Williams! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu pour parler affaires. C'est clair? Nous avons jugé votre prix acceptable. Le paiement sera effectué en dollars ou en Deutschmark ou en Pesetas à la Müllerhof Bank de Genève. Pesetas, c'est super. Nous gardons de côté vos numéros de compte. Mais ça, quand voilà qui est sympathique. Mais nous aurons aussi besoin de nouveaux passeports, vierges, naturellement. Afin de disparaître tranquillement de la surface de la Terre. Écoutez-moi bien, Général. Écoutez bien ça, écoutez. C'est la dernière fois que je travaille pour vous. Dernière mission. Je tiens à ce que notre collaboration s'achève selon mes règles. Selon mes règles. De cette façon, je suis sûr qu'aucun de vos hommes ne cherchera à ma manière. C'est scandaleux. Calmez-vous. C'est vraiment beau. Ces hommes sont les seuls qui puissent réussir. Ils sont tous derrière eux, diverses expériences qui peuvent justifier cette conduite. Bien, je crois qu'il est grand temps d'entrer dans le vif du sujet. On y arrive. Votre objectif est Herat. Un petit village insignifiant, non loin de la frontière iranienne. Là-bas, il y a deux citoyens américains. Le docteur Hunter, un célèbre pathologiste et journaliste, et sa fille Samantha. Ah! Pourquoi ce soudain accès d'humanité? Je ne vous connaissais pas sous cet angle-là, Général. Capitaine, je vais finir par croire que vous voulez fâcher mes amis. Disons que Hunter doit nous remettre quelque chose. Et que nous comptons sur vous pour jouer les intermédiaires. Quel est le décor politique? Toutes les villes sont sous le contrôle des soviétiques. Alors que la campagne subit les attaques continuelles de la résistance, menée par Hirbe Islami, l'une des organisations les plus stables du mouvement de rébellion. Je ne vous suis pas très bien. S'ils sont si bien organisés, pourquoi ne pas traiter avec eux? Parce qu'il n'y a pas d'unité entre les différents groupes. Ils sont tous ennemis. Dans ce pays, la résistance a les caractéristiques d'une hydre. Elle se renouvelle constamment et elle a plusieurs têtes. Et pour mener à bien votre mission, vous devez obligatoirement traiter avec l'un des chefs. En tout cas, ils ont fait une référence à la mythologie grecque. Ça, déjà, oui, c'est ça. Déjà, ça sent le cultivé. Mais nous sommes dans une position que les Russes ne peuvent pas. Mais après, ils l'ont expliqué comme pour nous faire accroire que nous, on n'avait pas de culture. Oui, c'est ça. C'est la beauté de ça. Ça fait mal quand ça pousse. Hey, non, mais là, les gars, on a mis assez. Je vous fais exprès. Hein. J'insiste. Ouais. J'ai mis encore au complet le speech du début du général facultatif. C'est vraiment fatuit. C'est super plate. C'était comme se faire couler de la graisse chaude dans l'oreille. Tu sais, ça servait. Et puis voilà, là après on est lancé dans le film, les héros, les quatre héros, parce que sur le dessus, juste à côté de deux fois bravo de Siskel et Ebert, il était écrit « Hein? Quatre mercenaires en guerre contre l'armée rouge ». Ça veut dire que, tu sais, c'est dans le fond, c'est quatre mercenaires qui s'en vont régler les problèmes de la guerre froide. Ah! C'est de toute beauté, c'est -9.3, c'est dans les bas-fonds du bas-fonds du bas-fonds. Contrairement à ce qu'on s'en va commencer direct maintenant, c'est-à-dire l'entrevue avec Réal V. Benoît. Veux-tu dire quelque chose avant, Israël? Je veux juste dire que ça a été vraiment le fun de faire une entrevue avec Réal V. Benoît. Oui, oui. Ça, c'est tout ce que je veux dire. Ça, il n'y a rien à redire à ça. Ça a été un être humain fantastique. Et puis Claude Ernight, son collègue de toujours qui était juste à côté. Ça a été une expérience qu'on espère revivre dans le futur. Sinon, pour l'instant, avec Megaman 2 en background, parce que c'est notre saveur ici à 70%, vous avez l'entrevue intégrale qui n'a jamais été retouchée et qu'on va réécouter pour la première fois avec vous, de Réal V. Benoît avec Israël Trudel-Denis et puis Tommy Godette à 70%. Oui. Fait qu'on passe ça de suite. Et voilà, c'est go. OK. Bon, ben, vous êtes à 70%. On est en studio ici avec Réal V. Benoît. Monsieur Claude Ernight. Bonjour, impresario. Bonjour, on va poser des questions aux deux. On va essayer de régler des problèmes de contour comme... Comme quoi, on a-tu un problème? Non. On a absolument aucun problème. Israël commence avec une petite bio de notre ami Réal. Ouais, Réal V. Benoît, originaire de Rouyn-Noranda, qui a fait de la musique début des années 70, c'est ça. Je l'aime beaucoup, c'est un de mes héros. Il m'a beaucoup influencé dans la musique que je fais d'ailleurs. Parenthèse, oui, il a fait de la musique de 70-75. Il paraît qu'il y a un impresario qui a mal utilisé de lui, puis qui a décidé de crisser sa guitare dans son caisse pendant une trentaine d'années. Mais là, il est de retour, mieux, plus en forme que jamais. Il a autant de présence sur 16 qu'un écolier assidu. Présent. T'as pas dessus. Ouais, ouais. Puis, en fait, on va lui poser des belles questions, puis on va lui dire qu'on l'aime beaucoup. Non, mais là, c'est sûr. Un Rouyn-Norandien comme nous, à part de ça. Oui. Hey, commencer fort comme ça, là, Réal. Est-ce que tu t'es déjà baigné dans le lac Ossisco? Non, j'ai jamais eu la chance de pouvoir le faire. J'ai fait le tour du lac Ossisco à moult reprises, mais on n'a jamais pu se baigner dedans. Ben oui, ils sont rendus avec quand le lac était brûlé un peu par la mine, là, je veux dire, moi, j'étais pas né probablement à ce moment-là. Ça fait longtemps que ce lac-là... Ça fait bien plus longtemps. Ça fait longtemps qu'il y a de l'acide dans cette eau-là. Actuellement, elle est de plus en plus propre. Là, je veux dire, il y a des poissons dedans maintenant qui sont de retour, mais jusqu'à se baigner, c'est une autre ouais, chose. On voit des gens qui font du pédalo ou du canot sur le lac présentement. Avant, c'était... si tu viens de la région, tu sais, c'était tout rouge, tout brûlé, acide tout le tour, par la mine Noranda. Mais il reste que le lac s'améliore parce qu'ils ont cessé les rejets dans l'eau. Et puis, en tout cas, il y a l'environnement aujourd'hui qui encadre un petit peu mieux les mines que dans le temps. Puis il y a des améliorations, mais j'ai pas pu me baigner dans le lac Ossisco. Pas encore. Parce que moi, je me rappelle, je suis né en 78 à Rouyn-Noranda. Et puis, à cette époque-là, la ville la plus polluée sur la planète, c'était Rouyn-Noranda. J'ai vu ça dans un vieux documentaire de Richard Desjardins, là, les émissions de plomb de la mine et tout et tout. Là, finalement, c'est ça, ils ont mis une espèce de filtre aux cheminées, en 86, 87, quelque chose comme ça. À peu près dans ces coins-là, ils ont décontaminé des terrains. Là, presque tout Noranda a été décontaminé parce que les pelouses et tout ce qu'il y avait autour, tu viens de le dire, c'était pollué avec toutes sortes de matériaux. Maintenant, ils récupèrent beaucoup avant que ça s'en aille dans les cheminées. Il en reste encore, évidemment, mais il y a eu de l'amélioration. Quand le gouvernement a sorti les lois et qu'il a dit c'est comme ça que ça va se passer ou bien ça se passera pas du tout, bien là, il y a des pressions qui font que... Avant, moi, je me rappelle, les mines arrivaient à quelque part, puis ils disaient, bon, on peut-tu prendre le lac Pelletier ou prendre le lac Untel pour envoyer nos rejets miniers dedans? Puis il n'y avait aucune espèce de résistance, là. T'avais beau avoir un chalet là, t'avais beau avoir ce que tu veux, toi. La mine s'en venait, on créait de l'emploi. Il y avait le droit de foutre ça à peu près n'importe où. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, une mine qui commence, le premier mois de production doit mettre un certain montant d'argent à la banque pour retourner le terrain comme ils l'ont pris, quand ils vont quitter les lieux. Je veux dire, c'est nouveau, ça existe. Aujourd'hui, quand tu as une mine ferme, il y a des dizaines de millions de dollars qui sont là avant pour réparer les terrains. Donc, c'est plus toi et moi et l'autre qui paye. Là. Bon, ben Dieu merci. Est-ce que vous travaillez encore à la mine? Moi, je ne travaille plus à la mine depuis 2 ans. À Noël, cette année, ça va faire ma deuxième année où j'ai pris ma retraite. J'ai travaillé pendant 42 ans. J'ai fait à la mine et puis j'ai cessé Là, 2 ans exactement, dans quelques jours. Là, on dit mine, on parle bien sûr de Noranda Mines. Il y a 4-5 grosses compagnies minières dans le monde entier qui contrôlent tout le système minier. Là, je veux dire, Noranda, on en apprend, Noranda, là. Oui. Noranda, ça en est une. Là. Il y a 4-5 grosses compagnies mondiales qui dirigent tout. Mais d'ailleurs, système minier Noranda a déjà été vendu en cours à Actagio. Là. Oui, mais Noranda fait partie de ces 5-là. Il y a Inco, il y a Cominco, il y a... Ils se vendent entre eux autres. Barrick Gold. Ils s'achètent. Puis nous autres, que tout le monde ait sa part du mouton des fois, entre eux autres. Entre eux autres, le plus possible. Sinon, Réal V, Benoît, V pour victoire. Non, Réal V, Benoît, c'est aussi simple que quand moi j'ai commencé à faire des chansons en 1969 ou 70, quelque part par là, on parle de avant ta naissance à toi, là. Je me suis inscrit à l'Association des auteurs-compositeurs du Canada pour pouvoir avoir mes droits d'auteur, et puis il y avait déjà un Réal Benoît qui était là. Quand moi j'ai venu pour... Un Réal Benoît qui faisait de la musique. Donc, ils m'ont dit, vous devrez changer de nom. Il y avait 3 possibilités. Ou bien on changeait de nom, ou bien on mettait une initiale entre les deux, ou bien il y avait une autre chose que je ne me rappelle pas. Là. Et puis, mon gérant était avec moi dans ce temps-là. Je me rappelle, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Là? Moi, je m'appelle Réal Benoît. Je veux rester Réal Benoît. Je n'ai pas envie de m'appeler Paul Lafleur. Pas que j'aime pas ce nom-là, là, mais c'est pas moi. Là. C'est Réal Benoît, mon nom. Avec lequel tu as été habitué. Fait que le V veut rien dire. Le V veut rien dire dans le fin. Enfin, la manière qu'il avait expliqué ça, il dit, regarde, il dit, Réal, c'est un prénom. Benoît, c'est un prénom, puis il dit Hervé, c'est un prénom. Donc, Hervé Benoît, ceux qui vont dire Hervé Benoît, ça fait un prénom aussi. On a tout trouvé ça beau et joli, puis on réglait notre problème en mettant un initial entre les deux. Ah, et puis, bingo, c'est aussi simple que ça, mon frère. Ben là, je me tourne un petit peu vers la droite, je regarde M. Claude R. Knight, et puis je pense qu'il vient venir la question, là, il y a à vous venir. Là. C'est dire d'assez un anglophone. Ah ouais, ça. mon grand-père vient directement d'Angleterre, et puis chacun de nos ancêtres a un initial, puis si vous remarquez, si vous allez à Westmount, il y a tout un initial, puis ça nous est donné quand on est né. Est-ce que c'est une tradition saxonne qu'on garde la lettre du nom de famille de la mère, quelque chose comme ça? C'est pour les archives, les Anglais pour leurs archives, parce qu'il y a beaucoup de noms. Par exemple, Knight, là, c'est peut-être pas commun dans la province de Québec, mais si tu vas à Londres, des Knights, le bottin, c'est comme les Tremblay ou Lac-Saint-Jean, là, des Knights, il y en a. Là. Puis les Knights, c'est des descendants, c'est des chevaliers. Des chevaliers de la reine ou du roi dans l'époque. Puis là, ben tu t'appelles chevalier qui, toi? Tu t'appelles chevalier Claude. Mais Claude qui? Claude Raoul. Claude, voilà. Alors, c'est juste ça. Wow. Ah, ben une spécification parce que le nom de famille était trop commun. Oui, c'est bon. Ça en fait plusieurs. Oui. Les chevaliers, en plus, il est là pour la reine, c'est bon, ça. Hey, c'est beau, encore ça. Des racines pour la reine? Est-ce que ça fait un petit velours de l'avoir ses billes de pièces encore? Pas du tout, mais... J'aime bien Londres puis les Anglais, là, je les aime bien. Là. C'est pas les mêmes Anglais que ici, les autres-là. Là. C'est là, des Anglais, mais c'est pas pareil. Là. Ah oui, c'est bon, ça, dans la bouche de franco-ontarien. Là. On va continuer à parler de musique. Là. Je voulais savoir comment s'est passé ton entrevue pour rentrer à mine. Ah, dans le temps, là, je rentrais à la mine. Là, moi, là, je sortais de l'école, j'avais un cours commercial. Moi, là, je te parle en 1960 et quelques. Là. Moi, je terminais mon secondaire, puis j'avais un cours commercial. Là, j'embarquais sur le marché du travail avec ça. Je me rappelle, dans le temps, là, on cherchait même pas d'emploi. Moi, je te parle dans mon temps. Moi, là, j'avais trois places où je pouvais aller travailler. Moi, je pouvais aller travailler dans une banque. Je pouvais aller travailler dans un magasin de chaussures, je pense, ou dans un magasin de linge. Je pouvais faire comme comptabilité dans... Ça payait, hey, je te compte pas de menterie, là, c'était quelque chose comme 35 $ par semaine. Ouf, tu me suis, là. Ben ouais. Moi, je sors de l'école, je veux dire, je suis un jeune qui veut s'acheter un auto, puis sortir avec les filles, puis vivre une vie qui n'est plus une vie d'étudiant. Là. Et puis, je m'en vais sur le marché du travail à 35 $ Je pense qu'à la banque, c'était comme 40, puis il y avait 25, 35, 40. Ça met trois choix, ça, là, par semaine. Mon père, il dit, pourquoi tu t'en viens pas à mine? Il dit, à mine, c'est 125 par semaine. Tu sais, c'est juste pour te dire. Le choix s'impose. J'ai dit, ben, ça sera le fun d'aller à la mine, je sais pas, moi, un an ou deux à 125 piastres par semaine. Là, ça. Ouais, puis mon père, il dit, viens avec moi, lundi. Moi, je suis parti avec mon père le lundi, mais si t'en allais à la mine, mon père, il dit, voici mon fils, il pourrait travailler ici à la mine. Puis la mine engageait presque automatiquement les fils des mineurs qui étaient déjà là. Ben, je suis pas retourné chez moi, là. Je suis rentré avec mon père le lundi à la mine. Ils m'ont passé en entrevue. Puis je suis allé travailler avec eux autres cette journée-là. Puis j'ai passé mes 2 ans, puis après ça, 3 ans. Puis tu sais, il veut dire, tu gagnes tout le temps 3 fois plus que les gens à ville. La mine, c'est sale, c'est noir, c'est peut-être... pas tout le temps agréable, mais c'était payant au moins. Oui. On faisait des belles vies quand on était sorti de là. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. J'ai pas passé d'entrevue plein. J'ai pas choisi même. C'était juste pour aller chercher cet argent-là pour pouvoir m'acheter une auto, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et puis, on a commencé à avoir du fun, hein, Claude? Mais quand tu parles que c'est noir, puis c'est sombre, puis c'est pas beau, ben pour ceux qui vont voir le film, il y en a beaucoup à Rouen qui l'ont vu parce qu'il est passé au festival, le film Sortir du trou, mais on voit réel, on le voit dans le trou, là. Vous allez voir le film. Vintage, pour vrai, là. Il va travailler dans le trou pour dans vrai. Dans la mine. Ah, c'est pas pire, ça. J'ai pas passé ma vie, faut clarifier ça, parce que j'ai pas passé ma vie comme mineur comme tel. Je suis descendu sous terre, puis j'ai commencé à travailler comme mineur. J'ai fait ça à peu près pendant un an et demi. J'étais mineur avec la foreuse, puis la déblayeuse, puis tout ce que tu veux. Je faisais pareil comme n'importe quel mineur sous terre. Est-ce que c'est mais moi, fun, vu que j'avais un cours secondaire, puis que les mineurs avaient leur 3e, 4e année le plus qu'ils avaient, moi, j'étais considéré comme quelqu'un de très instruit à la mine. Tu me suis, là? Ben oui. Les autres, quand ils ont eu besoin d'aide en haut, dans les bureaux, comme arpentage, en tout cas, il y avait des échantillonneurs. Moi, là, j'avais de l'école, là, comparé à ces gens-là. Le contremaître est venu me voir et dit, ça t'intéresserait-tu de travailler dans géologie pour faire échantillonneur, je me rappelle pas exactement quoi. Ben là, moi, j'ai dit oui. puis je me suis ramassé avec... Je passais comme l'avant-midi sous terre à ramasser des échantillons, puis dans l'après-midi, j'étais dans le bureau à rapporter les résultats des échantillons. Ah, bien, ça doit rendre le travail plus varié. J'ai fait ça comme ça, puis j'ai fait ça pendant 42 ans. En dernier, à la mine, je t'ai rendu directeur de ressources humaines. Tu vois... T'as engagé les gens? Oui. De partir à zéro comme mineur dans le fond du trou... Quand moi, j'ai pris ma retraite, il y a 2 ans, j'étais rendu directeur des ressources humaines dans la compagnie. Je veux dire, j'avais quand même monté. Là, puis, ouais, aujourd'hui, un directeur des ressources humaines, ça sort de l'université. Tandis que moi, j'avais l'expérience, j'avais été chercher cet emploi-là avec mon expérience puis avec mon vécu journalier par Bichin. Exactement. Voilà. J'en suis fier de ça, c'est pour ça que j'aime oui, ça. Oui, oui, ben, c'est parfait, ça se sent, c'est bien. Ça. Sinon... Oh, pendant que c'est moi qui parle, là, on va le couper parce qu'on va parler d'autre chose, Benoît. Bruno? Excuse-moi, Bruno, tu sais que je m'appelle... Oui, je sais que tu t'appelles Tom. Ouais, c'est ça. Lis ta nouvelle, là, puis c'est moi qui passe pour un câble. OK, d'accord, on continue. Alors, dans leur nouvelle campagne de pub, Mountain Dew vous invite à designer leur nouvelle saveur, couleur et étiquette, le tout sur une trame de science-fiction à la George Orwell / Philip K. Dick. Dans la publicité, on peut voir un jeune homme dans un décor qui ressemble étrangement à celui de Blade Runner se faire courir après par une unité de police répressive. On parle ensuite d'un Chosen One qui ramènera la démocratie et la liberté dans le monde grâce à l'élixir de la liberté, à savoir le nouveau Mountain Dew. Serez-vous ce Chosen One? Réussirez-vous à créer la meilleure saveur, couleur, étiquette de Mountain Dew de tous les temps? Ramènerez-vous la liberté dans ce monde post-apocalyptique de pacotille que l'on vous sert à grande régurgitation de tubes cathodiques? Pour le savoir, allez sur democracy.com. Allez-y pas, s'il vous plaît. Allez-y pas. Par pitié, allez pas sur democracy. Oh, ben, Colin. Aïe, aïe. Parle-moi de ton affaire, s'il te plaît. Là. Hey, c'était bon, ça? Hein? Ça puait les émotions. Oui. C'est bien, j'aime ça. Depuis la nuit des temps, on joue au Nintendo. Depuis la nuit des temps, on recherche à jouer aux jeux qu'on aime. Puis depuis la nuit des temps, le Japon ne nous envoie pas les bons jeux. Tu sais, on le sait déjà avec les histoires de Final Fantasy qui se sont passées. Puis à un moment donné, tu sais qu'il y a d'autres Final Fantasy que tu n'as jamais joué. Puis tu es là, pourquoi pas moi? Le public américain, on n'a pas ça? On le sait, Super Mario Bros. 2 ici, c'est un jeu qui s'appelle Doki Panic au Japon. Puis que, admettons, la princesse qui vole, ben, c'est un mage qui pouvait voler, que tu choisissais. Puis c'est juste les sprites. Comme à t'appeler comme ça, qui ont été changés. Puis tu sais, c'est ça, c'est des jeux qu'on n'a pas eu. Le vrai Mario Bros. 2 s'appelle The Lost Doki Doki Panic. Oui. Le vrai Mario Bros. 2, on l'a pas eu. C'est The Lost Level. C'est The Lost Level, puis on l'a pas eu avant qu'on ait Mario All-Star ici. C'est très dommage. Puis mon point que je voulais dire, c'est qu'il y a un jeu qui vient de sortir depuis un an, c'est Earthbound 3. Mother 3, en fait. À quoi ça? Au Game Boy Advance, puis on l'aura pas. On l'aura pas parce qu'on est juste des Nord-Américains minables qui ne comprennent pas la portée des role-playing. Ben c'est ça, puis Earthbound, c'est un jeu qui m'a beaucoup touché, toi aussi d'ailleurs. Ben quand là, on était je l'ai refait plein de fois. Là, ben, c'est ça, là, puis c'est un des seuls RPG où on peut s'arrêter à parler à tout le monde dans le jeu puis qu'on est content. C'est ça, mais je vais vous parler d'un site qui s'appelle Starman.net. On peut aller sur Starman.net puis il nous donne plein de trucs pour qu'on réussisse peut-être à amener Earthbound 3, en Amérique. Ils nous font signer des pétitions, ils nous disent d'appeler chez Nintendo, d'être poli, puis de ils ont même une vidéo YouTube qui montre comment faire, comment appeler chez Nintendo, puis de dire oui, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe avec The Mother Series. Ah ben oui. Ben oui, c'est ça, puis ils mettent de la pression, ils donnent l'adresse de monsieur Shigeru Ito. Là. OK. Ouais, c'est ça, puis tu peux y écrire des lettres, puis fait qu'aller sur le Starman.net, c'est un site vraiment rempli d'informations utiles sur Earthbound, puis emmenez-le en Amérique. Aidez-nous dans la mission. Ça serait pas pire de jouer à ça, Mother 3. Ça, je suis pas mal sûr. Hey, Crimson, on est vraiment jump-packé aujourd'hui. On va tout de suite se relancer dans Days of Hell, Jour d'Enfer. Vous allez voir, c'est juste une petite phrase, celle-là. Ça l'apprenait parce que sinon, il manquait quelque chose. Comment t'as deviné que ces types voulaient notre peau? J'ai tiré un pilou face. C'est... Ah, OK. Fait que c'est pour ça qu'on a tué 420 personnes. Okay. C'est les meilleurs des meilleurs, ça. C'est 4 meilleurs des meilleurs qui s'en vont en Afghanistan. Là. En tout cas, on verra bien tantôt. Pour l'instant, là, ils viennent de faire une embuscade de Soviétiques. Et puis là, ben, ils discutent après avoir embuscadé de façon successful les Soviétiques. J'aurais pas cru que ce serait si simple. C'est même trop simple. Comment ça? Que voulez-vous dire? Il est trop calme pour un perdant. Trop calme. Il nous cache quelque chose. C'est des drôles. Ça se voit rien qu'à sa gueule. J'aime pas ça du tout. Williams, je vais lui trancher la gorge. Du calme. Bon réflexe, bon réflexe. Il dirait peut-être son nom, et encore. Hé, hey, capitaine. Williams! C'est un système de sécurité, venez voir. Le signal doit se mettre en marche à une heure précise. Et s'ils appellent, ça veut dire qu'il n'y a rien à signaler. Oui, mais dans le cas contraire, ça veut dire qu'ils ont des problèmes. Écoutez, c'est le signal extérieur. Et voilà, on tombe dans l'Afghan soviético-arabais. On va rebaisser ça, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a 4 mercenaires, mais il y en a juste 3 qui font partie de l'équipe d'élite. C'est qu'ils se sont fait greffer un 4e, qui est le professeur qu'on voit dans 2-3 films. On apprend tout de suite à l'aimer, le professeur. Et puis ici, ben, il était au centre de la polémique. Ça suffit, professeur. Ça suffit. Dites-nous ce que veut Anoukan. Dites-le nous. Patience. Je vous le dirai en temps nous et en avons heure. Des moyens de vous faire parler. Et nous, on me dit que c'est le moment du con. Du con. Regardez-moi ça. Ce cher professeur nous fait des cachotteries. Voilà ce qui ferait plaisir à Anoukan. Je l'ai gardé pour la rançon en cas de besoin. Je ne voulais pas que vous soyez tenté. Écoutez, ça c'est... Bien sûr. Qui mieux que le plus salaud des fils de putain peut savoir ce qui se passe dans la tête des fils de pute? Hein? Hein? Hein? Ben, je sais pas. Qui takes mieux? One to know one. Hein? Ouais, c'est ça. Mais comme il nous reste encore 2 blocs de réalvé bonisme, je vais mettre la petite séquence que je voulais faire en un bloc tout seul. Ça dure pas trop longtemps, là, un petit 2 minutes, vous allez voir, c'est encore quelqu'un qui a été kidnappé. Puis là, ben, il se rend compte bon, qu'il y arrive pour quelque moment, chose. On n'a pas le choix. Ouais, on va voir ce type, le Khan, on échange nos marchandises et on se casse, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je trouve ça louche, c'est trop facile. D'accord. C'est tu encore penses qu'on facile. Est en train de se faire manipuler, c'est ça? C'est peut-être con, mais j'ai rien compris. Eh bien, je pense que les types qui nous ont envoyés ici ont aussi tout organisé pour qu'on n'ait aucune chance de s'en sortir. Est-ce que tu veux dire qu'une fois qu'on aura fini ce job... Oui, c'est exactement ça. En fait, ils veulent que les 2 personnes qu'on est censé sauver. Ah, je crois que t'as saisi, Grayson. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous êtes en train de parler du gouvernement lui, des États-Unis. Le gars qui comprend pas, il représente le public. Je pense, oui, ça doit être ça, là. C'est écoutez, Grayson, professeur, c'est vraiment une tête d'échevelle. C'est pas la première fois qu'on vient. Supposez que ces 2 journalistes, le docteur Hunter et sa fille, soient bien renseignés sur certaines choses concernant cette putain de guerre, comme par exemple les gaz asphyxiants, les armes chimiques et autres jouets du même genre. Et alors? Moi, je commence à comprendre. Ça ne concerne pas que les Russes. C'est pour ça que de spéculation. Ils veulent que le monde entier soit au courant. D'accord, c'est possible. Mais lorsqu'on fait reportage sur les armes chimiques, on est obligé de se pencher sur ce qui se passe des 2 côtés. Et comme nous, on utilise aussi ce genre de jouets. Comment? Il y a une critique sociale. Ouais, c'est ça, on commence à comprendre. Hein? On baisse ça, puis on retourne dans l'interview de Réal V. Benoît à l'exact même moment qu'on l'a laissé tantôt. Puis on vous revient juste tantôt, ce sera pas long. Oui. En fait, on a entendu les études commerciales, le secondaire. Ça se faisait-tu en région à cette époque-là? Moi, j'ai secondaire, puis Claude et témoin, on faisait nos études primaires. Après ça, on faisait nos études secondaires, puis ça l'arrêtait là, chez moi, à Rouyn-Noranda. À l'époque, c'était la fin. C'était la fin. Là. Le collège classique. Ouais, mais nous autres, Claude, on n'avait pas d'argent pour aller là. Il y avait le collège. On y pensait même pas. Mais on pensait pas ça. Ça, c'était pour les fils ça, des boss de la mine. Les gars de Nolando, ouais, c'est ça. Lui, il y avait un mononcle qui oh, oui. Il y avait un mononcle plus riche que les autres, lui, puis un de ses fils, il est allé, lui, au collège. Hein? Oui. Laurent, puis, hey, nous autres, on disait entre nous autres, ah, ben c'est sûr, c'est Laurent. Tu sais, Claude Knight, ça se pouvait pas, Réal Benoît, ça se pouvait pas, mais Laurent, ah, ben oui, Laurent. C'était normal un petit peu que Laurent, lui, s'en aille dans ce cégep-là, ou comme ça s'appelait pas cégep, mais je sais pas comment c'est, ou classique. Le collège classique. Le collège classique. Mais nous autres, là, c'était impensable parce que ça coûtait de l'argent, puis nos parents, ils étaient pas capables de nous envoyer ça. Là. C'est-tu la je grosse te dis pas maison, mon père, ta pauvre, là, mais. J'ai devenu l'université. Ah, OK, c'est devenu bon. L'université maintenant. Okay. Il y avait une... Oh, et on a vu bâtir ça, nous autres, sur la côte, là. Hey, c'est gros. Jusque... Hein? Puis tu sais comment c'est gros aujourd'hui, Lucas? Lucas. Tu sais comment c'est gros aujourd'hui, là? Ben, nous autres, on a vu ça, une petite bâtisse avec des rallonges à chaque année. On patchait des affaires tranquillement. Nous autres, on passait tous les jours à pied devant l'école. En Claude, on s'en allait à l'école Maznod, on passait à pied devant Lucas tous les jours. Je suis pas devenu son gérant par hasard, là. Parce que moi, j'ai vu une opportunité, j'ai dit, m'a profité de ce gars-là. Non. On se fait si trop pressé. Pour préciser, on est des amis. Là, moi j'avais 12 ans quand j'ai rencontré Réal. J'avais 12 ans. Là. Ça lui, il me tirait ça, des mottes de neige parce qu'on était des anglophones. On était pas. Ben, nous autres, on pensait qu'il était anglais parce qu'il y avait un nom anglais. On avait un accent. On disait, hey, les Anglais s'en viennent, on va le tirer des rats. On va le tirer des rats. On a commencé. On s'est connus comme ça. Hey, mais sinon, Réal, c'était quoi ton surnom au primaire? Avec tes amis dans le temps, là? Non, j'avais pas de. Il y en a juste un qui t'a été imposé, le mineur chanteur, par un producteur. Ben, ça m'a été imposé parce que je travaillais dans ce milieu-là. Moi, dans les années 72, là, j'étais convaincu, dur comme fer, que. Fallait que je me sorte de là. Puis je me disais, moi là, j'écrivais des chansons, puis je me disais, je suis capable de me sortir du trou avec mes chansons, avec ma musique, avec mes affaires. Parce que, puis même en 1969-70, j'étais convaincu que j'avais quelque chose de différent des autres personnes, que je faisais des choses différentes des autres. Puis j'essaye même pas de me vanter, là. Je te dis, j'étais un jeune de 25 ans. Lucide devant son talent, c'est beau. Qui a ça dans le ventre, là, puis qui dit, là, moi, là, monsieur, là, je vais me sortir de là. Lui, il jouait de la musique déjà. C'était pas quelque chose qui était arrivé comme ça. Lui, il jouait de la musique. Il y avait des orchestres dans ce temps-là. Puis lui, il faisait le tour de la région, puis il jouait de la musique continuellement, bien plus que moi. Mais moi, je me disais, va me sortir de mon trou avec ça, en composant mes propres chansons, puis parce que dans ce temps-là, c'était juste des traductions, il n'y avait pas personne qui composait des chansons, en tout cas, c'est pas vrai, beaucoup. Ça, en plus, il n'y avait pas beaucoup de ça. Ouais, peut-être, mais il y avait... Puis moi, je voulais m'en sortir, puis je voulais vraiment vivre de ça, puis je voulais vraiment faire de quoi. C'est pour ça que j'ai dit souvent... Puis quand j'ai arrêté en 75, là, j'ai pris ma musique, puis que je l'ai... mis dans un coin de la cave chez nous, puis j'ai dit à ma blonde, là, jamais, Jacqueline, tu vas me revoir sortir ma guitare puis chanter une chanson devant quelqu'un, là, jamais, là, tu sais, quand tu dis jamais, là, autant convaincu que elle vient de s'éteindre, la chandelle, arrêté, là. En fait, là, parce que moi, là, quand j'ai sorti de mes disques puis que j'ai commencé à faire le tour de la province de Québec, il y avait des boîtes à chansons. Vous autres, probablement, vous n'avez pas vécu ou connu les boîtes à chansons. On commençait à boire du vin dans le Québec. On avait le droit à But à Mathieu, à Val-David, là, d'amener une bouteille de vin, je pense. Là. On pouvait s'asseoir là, là avec, puis écouter un spectacle. Je sais pas, tu payais 10$ à l'entrée, puis tu t'assoyais là, ou tu prenais la bouteille de vin. Mais c'était nouveau au Québec. Nous autres, on buvait pas de vin, on buvait de la bière, ou on buvait des. Mais on buvait pas, on n'était pas des buveurs de vin. C'était quelque chose qui se développait. Tu t'assoyais là, toi, là, puis il y avait un chansonnier, il appelait ça des chansonniers, là. Moi, les premiers spectacles, je les ai faits tout seul avec ma guitare, tout seul comme un dindon. Sur la en scène. En tant que chansonnier, disons. Parce que, puis je passais mes chansons à parole, mes chansons à message, appelle ça comme tu voudras, mais il reste que pour, je pense, apprécier ce que moi je faisais ou ce que j'avais passé 10 années à travailler puis à composer chez nous, fallait que tu écoutes ce que je disais. Oui. Ce que je dis, tu sais. Tu pouvais pas te mettre à danser puis à crier puis à parler avec quelqu'un, si t'écoutais pas ce que je disais, moi, je passais complètement dans le beurre. Ben oui, ben c'est ça, parce que c'est des tonnes à parole. Moi, je faisais le tour. Et en plus, vous parlez entre les chansons. Ah, j'aime ça parler, moi, j'aime ça présenter mes chansons. Ah oui, vous le faites très bien, d'ailleurs. J'aime ça. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Israël. Oui. Mais c'était comme ça que je faisais ça dans le temps, puis c'est comme ça que je faisais ça, puis les gens, là, les boîtes, le yéyé est arrivé, le gogo est arrivé, puis là, les boîtes à chansons se sont mis à fermer une après l'autre. Puis il n'y a pas juste moi qui avait disparu, il y a Pierre Calvé, il y a Pierre Letourneau, il y a Réal Benoît, il y avait toute une série de personnes qui faisaient des chansons à message au Québec, puis là, c'est parti en fou sur le yéyé, puis d'une mode de toutes danse, ces affaires-là, puis les tables tournantes là, qui font les disques jockeys dans les danses, là, ben, des orchestres comme lui avec ses quatre musiciens, là, ça a tout disparu. Ça, c'était l'autre qui faisait du disco, là, il faisait tourner des disques. Pour avoir la musique, on pouvait spinner les records. Ah, puis ça. On trouvait ça extraordinaire. Ben, il y a du monde qui ont disparu. Moi, j'en suis un qui s'est ramassé dans les hôtels. Moi, je t'ai rendu dans les hôtels. Là, il disait, tu vas faire 3 spectacles par soir. Toi, t'as vu mon spectacle, Israël, donc je fais deux heures, coupé en deux avec une intermission. Ça. Ben là, je faisais 3 fois, une fois à 9h, une fois à 10h30, une fois à 11h30. Et puis là, le monde, ils sont de plus en plus chauds dans l'hôtel. Ben puis là, le monde, ça boue, puis ça parle, puis ça crie. Ils t'écoutent pas de plus personne en plus. Personne t'écoute ce que tu chantes. Moi, là, je commençais à être écœuré, puis là, je descendais, puis je me sentais descendre. Puis là, j'ai dit à un moment donné, j'étais à la chute, je pense que ça a bien fini. Hein? La chute, ça a été. J'ai pas fini ma fin de semaine, j'ai pas fini mes spectacles, j'ai pris ma guitare, puis je me suis en allé chez nous. Puis... Et puis ça, tout le temps, j'ai dit à ma femme, jamais je vais faire un spectacle, c'est jamais. La fin, puis j'ai pris ma guitare, puis je te jure, elle a passé comme 20 ans, ma guitare, ma Norman, que j'ai encore aujourd'hui, là, stationnée dans le coin de la cave chez nous, puis je l'ai même pas sorti pour jouer de la musique à Noël pour faire plaisir à ma mère, là, tu sais, là. Fini! Non, rien du tout, je composais plus, je faisais plus rien. Je me suis concentré sur mon travail de mine. J'ai dit, si je suis pas capable de sortir de la mine, je vais essayer au moins d'améliorer mon sort. Dans la mine, je suis pris là, là. C'est pour ça que je te dis qu'en travaillant fort, puis en montrant aux autres ce que j'étais capable de faire, je me suis ramassé aux ressources humaines. Puis, jamais j'aurais pensé qu'un jour, moi, il y a quelqu'un qui aurait voulu me réentendre ou qui aurait voulu faire quelque chose avec ce que moi je faisais. Ça, c'est qui, jusqu'à c'est temps Fortin. Que Fred Fortin, sacrifice de bon rien, il fait une recherche avec Monique Giroux. Vous êtes probablement au courant de l'histoire. Fred Fortin fait une recherche avec Monique Giroux, puis il dit j'aimerais ça savoir si Réal V. Benoît, parce qu'il avait trouvé mon vieux vinyle dans une vente de garage, man, toi. Il dit j'aimerais ça savoir s'il est encore en vie, qu'est-ce qu'il fait, s'il compose encore, s'il chante encore, etc., etc. Parce qu'il dit je trouve que ce gars-là, il avait quelque chose dans le ventre, puis il avait quelque chose à dire, puis qu'il a passé dans le beurre. Il l'a dit direct à Monique Giroux. Lui, il était dans l'auto, il était dans le parc, il me téléphone à la mine, il dit Chris Réal, tu sais pas quoi. J'ai dit non, quoi. Il dit Monique Giroux, elle te cherche partout, puis il dit ben là, ah, ben, t'es-tu fou, toi, Claude? C'est l'impresario qui l'aille entendu. Ben oui. J'ai dit t'es-tu fou, Claude, qu'est-ce qu'elle me veut, Monique Giroux? Je la connaissais très bien. Hein. Ouais, mais faut comprendre qu'à ce moment-là, je suis pas son impresario. C'est mon ami. Et moi, je voyage beaucoup à travers la province pour mon travail. Alors, en travaillant, là, j'appelle Réal, puis je dis écoute, Monique Giroux, Radio-Canada, elle te cherche. J'appelle là, puis tu sais, puis de fil en aiguille. Ouais, là, Fred Fortin, il a fait une émission, une autre c'est émission avec. Avec là, moi, on m'a dit on va pas à Montréal pour ça, hein, t'as rappelé? Ouais. On va pas à Montréal pour ça. Là, je vais pas à Montréal faire une émission, surtout que ça me tentait pas de faire de la musique, ça me tentait plus de rien faire de ça. C'était plus ton domaine du tout. Ouais, que ça m'aurait donné, moi, là, faire ça, franchement, là, j'ai dit non, ça m'intéresse pas. Ben là, ils ont dit tu peux aller à la station Radio-Canada à Rouen. On peut vous connecter. Fred, il va être à Montréal. Toi, tu vas être à Rouen. Puis ça va être pareil comme si vous étiez les deux ensemble, là. On a dit, OK, moi, je suis chez nous, là. Je me suis en allé à la station de radio. Ils nous ont connectés ensemble. Puis là, mon Fred, il était content de me parler. Puis je parle-tu au vrai, là, le mineur pour vrai. Puis là, il est là. Il dit, ben oui, tu y parles, puis tout ça, là. Puis moi, j'étais content d'y parler aussi parce que j'ai demandé son âge. J'ai dit, j'ai 27 ou 28 ans. Je dis, sacrifice, c'est exactement l'âge que j'avais quand j'ai commencé à faire des chansons, puis tout, tu sais. Puis ça, c'est. Pardon, je suis. De fil en aiguille, qu'est-ce qui est arrivé? Lui, il a dit au gars de son qui avait là à Radio-Canada, il dit, moi, je vais parler après l'émission. Quand l'émission va être finie, je vais parler à Réal. Puis c'est là qu'il a invité Réal, la première partie au cabaret. OK. C'est là que ça a tout... Ça a tout reparti. Eh ouais. Bien, c'est parfait. Il dit, veux-tu faire la première partie de mon spectacle au cabaret? J'ai dit, Fred, c'est pas... Tu sais, moi, j'ai 60 ans, toi, t'en as 27, là. J'ai dit, le public que t'as, là, c'est ton public à toi, là. J'ai dit, moi, je vais pas faire rire de moi non plus, là. J'ai assez fait rire de moi dans ma vie. Je suis tanné, là, tu sais. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'il y avait une scène. Ben, tu sais, je veux dire, le crowd, il venait voir Fred Fortin, c'est sûr, mais là, vous faites découvrir juste en jouant devant du monde de même, tu sais. Puis le monde, ils ont sûrement aimé ça. Il me dit à moi, Fred, il dit, Réal, fais-toi-en pas. Il dit, je te jure qu'ils vont t'aimer. Il dit, je te jure, ça. Ben, il dit, OK, allons-y. Lui, il me dit, je vais te chercher à Rouen, je te paye tes dépenses aller-retour, je veux dire, tu vas être logé aux quatre saisons si tu es à Montréal, puis en tout cas, pourquoi on s'est pas payé un beau petit trip comme ça, tu sais. Puis Claude, j'ai dit, ah, là, je compte tout ça à lui, ben dis-moi, il y a avec toi, moi. Là, ce qui est arrivé pour ça, quand tu dis, ça a-tu marché, Réal, tu sais comment c'est au cabaret, là, c'est bruyant, là. Alors là, il y a Philippe Renaud de la presse qui est dans la salle, puis il nous cherche partout. Nous autres, on ne connaît pas. Nous autres, Philippe Renaud. C'est Philippe Renaud. Non, mais c'est Philippe Renaud. Je ne l'ai jamais vu. Puis il nous cherche partout dans la salle. Puis le monde, il me tape sur l'épaule. Ils ont dit, Monsieur Renaud, il te cherche. Il cherche Réal. Puis il veut en communication. Mais là, Réal, il fait sa prestation. Moi, j'avais mis des conditions. J'ai dit, Réal, il n'y aura pas là pour trois chansons. Puis vous savez comment ça marche, la première partie. D'habitude, c'est trois chansons. C'est fini, votre temps. Ouais. J'ai dit, non, non. Nous autres, on va faire 40 minutes. Là, ils ont dit, non, ben, c'est chaud à Fred. Ben, j'ai dit, on y va pas. Ah, c'est bien correct, c'est votre idée. C'est comme vous voulez. Fait qu'on a accroché le téléphone, j'ai dit ça à Réal, j'ai dit, on ira pas faire rire de nous autres. Fred s'est arrangé. J'ai dit, là, Réal, tu vas t'emmener, là, puis tu vas faire ton 40 minutes. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Réal a fait son 40 minutes. Puis quand tu as débarqué, du stage, nous autres, on attendait. Moi, j'étais dans la loge, là. Là, Réal, il sort, puis tu pouvais entendre voler une mouche. Israël, t'as participé à un de ces shows, Réal. Oui, tout le monde écoute. C'est un récital, c'est pas un show, là, c'est un récital. Puis là, tu peux entendre voler une mouche. Puis là, quand Réal, il sort, puis il arrive dans la loge, Fred, il dit à Réal, il dit, qu'est-ce que je fais, moi, là? Il dit, faut que j'aille, moi, là. Il monte, rah, rah, rah, puis il dit, pas Réal, là. Alors, Félix, drôle, là, finalement, il a respecté sa promesse. Je voulais savoir, justement, t'aimes-tu mieux jouer avec un groupe ou tout seul? Parce que moi, j'ai vraiment préféré le spectacle où t'étais tout seul. Tu vois, hein, c'est... Moi, là, moi, m'a te le dit, franchement, j'aime ça être accompagné, j'aime ça être appuyé. Je me considère pas comme un joueur de musique. Moi, je me considère comme... Ma guitare, c'est comme quelqu'un qui a besoin de ça pour pas tomber à terre, t'sais, pour marcher, pour s'appuyer sur quelque chose. Autrement dit, je prends ma guitare pour appuyer mes chansons, pour dire, bon, ben, c'est des chansons, il faut bien qu'il y ait de la musique à quelque part. Puis dans ce sens-là, je prends ma guitare. Quand j'ai des musiciens professionnels en arrière de moi qui m'accompagnent, je me sens... Appuyé, oui. Je me sens plus appuyé, puis il me semble que ça... Ça fait rien au spectacle. Moi, selon moi, il me semble que ça améliore la qualité du son, au moins quand il y a de la musique. Puis ça m'empêche pas de présenter ma chanson comme je la présente avant. Puis. Mais ça fait un trou. Moi, si j'avais un choix. Toi, parce que quand t'es tout seul, c'est beaucoup plus intime. On se sent beaucoup plus proche de toi quand t'écoutes, tu sais. Mais j'aimerais ça savoir, moi, Isaël, lequel show, avec quel musicien t'as vu? Parce qu'il y a eu. J'ai vu celui avec Psycho Caravane au Francofolie de Montréal. Puis j'ai aussi vu celui au Petit Campus. Qui est pas loin d'ici. Ouais, c'est ça. C'est les deux spectacles que j'ai vus. OK. Parce qu'il y a aussi la dernière fois qu'on est venu à Montréal, à Win Vivo, on avait un joueur de Lap Steel qui est Pierre Lavoie. Je sais pas si vous connaissez Pierre Lavoie. C'est le guitariste à Mario Peluso. Moi, je l'avais rencontré avant. Puis, encore ce matin, à une autre station, on nous a dit, là, Réal, c'était ça, là, ton son, là, c'était ça, là. Puis on l'a réalisé, là. Tu sais, c'est à force de l'essayer. Puis... Ben oui, c'est comme ça que ça marche. Ouais, regarde, aux Francofolie, ils nous ont demandé de faire plus de musique, moins de parlage. Tu sais, je veux dire. Ben oui, parce qu'on était à l'extérieur, sur une scène extérieure, mais on disait, il faut de la musique. Pour les Francofolie. Oui, c'est ça. Hein? Parlait trop en français pour les Francofolie. Non, mais en tout cas, on nous avait suggéré, parce qu'on était sur une scène extérieure, il faut que ça fasse de la musique, là. Ouais. Donc, avec Psycho en arrière, ça faisait de la musique, là, tu sais. Puis quand ils partaient, les autres, ils. Puis moi, ben, j'ai coupé mes textes, là, à des petits bouts de 30 secondes dans chaque chanson. Il fallait satisfaire un petit peu aussi les gens qui nous avaient embauchés. Là. Mais il reste que c'est le cas comme ça. Est-ce que t'as encore ton casque de mineur qui a fait la renommée du chanteur mineur dans les années 70? Là? Celui qui t'a appris à détester tellement t'étais obligé de le porter un petit peu partout. Là. Tu me croiras pas, Tommy, puis c'est vrai ce que je te dis là quand j'ai quitté la mine il y a 2 ans, j'ai pris ma retraite. J'avais tout mon linge de mine dans un gros sac, là, comme ben les mineurs font. En tout cas, c'est la façon de transporter nos bottes, notre chapeau. Pas une poche de hockey, mais c'est une poche de mineur. C'est une poche de mineur. Puis moi, j'avais tout mon linge là-dedans, puis j'ai fini de travailler. Là. Je me retire du marché du travail, puis j'amène ça chez moi. Puis là, j'ai dit à ma blonde, bon là, mon linge, là, je vais l'envoyer directement au dépotoir. Je dis, je veux plus voir rien de ça, puis je veux qu'il soit assez loin pour être certain que je le remets plus jamais, là, tu sais. Ben, croyez-moi ou non, il y avait le Musée de la civilisation de Québec qui était à Rouyn-Noranda, où il était là le mois avant, ou je sais pas quoi, qui cherchait de l'équipement minier ou du linge ou des chapeaux pour exposer dans une exposition spéciale qui s'appelait Le Territoire, qui parlait des mines, de l'agriculture, de l'Hydro-Québec, du bois. Puis, ils cherchaient des objets à exposer qui avaient déjà appartenu à des gens, je dirais pas célèbres, mais des gens un petit peu plus connus pour donner de la personnalité au chapeau de mineur qui est exposé dans leur musée. Tu me suis, là? Je suis en train de comprendre. Il y a un animateur de radio qui dit, ben pourquoi vous n'allez pas voir Réal Benoît, là? Il est un mineur, là, il est un petit peu connu dans 72, puis il revient aujourd'hui, puis tout ça. Puis, ils ont rentré en contact avec moi. Puis ils m'ont demandé s'ils pouvaient avoir mon chapeau, mes bottes, ma ceinture, mes affaires. T'as accepté, ben, sûrement. Ben oui, puis je l'avais pas encore envoyé au dépotoir. Puis là, les autres, ils m'ont envoyé Pure Later chez nous pour le chercher, payer à leurs frais. Puis actuellement, au moment où tu parles, c'est funny que tu poses la question, mon chapeau, ma ceinture, ma lumière de mine sont exposés au Musée de la civilisation à Québec, dans la section territoire. C'est même pas un dinosaure, là. Non, mais c'est fantastique parce que j'étais tellement flatté de ça. Puis quand ils ont fait l'ouverture officielle de l'exposition, évidemment, Québec, ils m'ont invité, puis tout ça. Puis je suis allé, puis j'étais là à l'ouverture. Puis ils ont mis ça dans un cadre, c'est à peu près grand comme le noir qu'il y a là devant toi. Là, il y a le chapeau. Il y a la ceinture, c'est comme suspendu. Il Il manquerait juste le bonhomme dedans. Là. Je vous enverrai, je vais prendre ça en note, je vous enverrai sur votre site les photos parce qu'on a pris, ah, ben on a pris des photos de ça. Vous allez voir, c'est, vous allez voir ça. C'est flatteur, en tout cas. J'avais presque les larmes aux yeux quand j'ai vu ça. Ben ouais, on va plugger une toune de Real V d'ailleurs. Ouais, c'est les rapporteurs officiels. Qui Et voilà, là. Ça va être assez pour aujourd'hui dans le cadre de Real V Benoît. Bruno. D'accord, on continue en nouvelles. Alors, un portier de Manhattan a été suspendu de son travail pour cause de mauvaise haleine. L'homme qui fait ce travail pour 4 buildings d'appartements depuis 40 ans s'est fait dire vendredi de ne pas rentrer à cause de son odeur buccale. Il avait déjà été suspendu 2 fois pour la même cause. Il dit qu'il se brosse les dents régulièrement, utilise du rince-bouche et prend des menthes pendant son travail, mais rien ne semble venir à bout de son haleine. Les clients de l'immeuble où il travaille ont pris sa défense. Son travail, qu'il fait très bien d'ailleurs, c'est d'ouvrir une porte, pas d'ouvrir sa bouche, a affirmé l'un d'eux. On continue c'est bien qu'on soit au courant de ça à Montréal. On continue c'est... dans le corporel. Maurice Fox, un homme de 77 ans, a été banni d'un club sportif de Pennington en Angleterre pour cause de flatulence. L'administration du club lui a envoyé une lettre lui disant de considérer ses actions qui ont écœuré les autres membres. Monsieur Fox affirme qu'il n'y voit aucun problème. « J'ai souvent des flatulences », a-t-il déclaré. « Je suis un vieux pet maintenant ». Il a toutefois déclaré que les plaintes devaient être pour le bruit, car il affirme que ses pets sont bruyants, mais sans odeur. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Merci. C'est les pets de qui sont bruyants, mais sans odeur, déjà? C'est de Maurice Monsieur, Fox. Maurice Fox, c'est ça, c'est Monsieur Fox. Okay. Ouais. Merci, Bruno. On va aller écouter ici les derniers extraits de la journée du film réalisé en 1986 par Anthony Richmond, d'où son vrai nom, Tonino Ricci, qui met en vedette Conrad Nichols, ou son vrai nom, Luigi Mezzanotte, qui met aussi en vedette Richard Ramon, ou son vrai nom, Ottaviano Dell'Acqua, et bien sûr, Steve Elliott, d'où son vrai nom, Stelio Candeli. Et puis, ben voilà, on va aller écouter la fin. Là, il nous explique un petit peu la suite de ce qu'on a compris avant, là, c'est qu'ils sont en train de se faire jouer dans le dos par les méchants. Les méchants gouvernement. Tes gros bras! J'attends! Arrêtez cette comédie, capitaine! Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous avez les négatifs et mon père est mort. Qu'est-ce que vous attendez pour m'éliminer à mon tour? Grayson, va monter la garde. Ben pourquoi moi? Je vais louper toute la scène des explications. Fais ce que je te dis, Grayson. Viens par là, toi. J'ai cru que vous travailliez pour la CIA et qu'en bons agents, vous étiez chargé d'étouffer la vérité. Il y a un peu de ça, ouais. Mais heureusement, il a senti le piège. Tranquillise-toi, ce cauchemar est bientôt terminé. Je ne veux pas rentrer aux États-Unis. Je crois que je préférais encore mourir ici que de rentrer. Mais laissons les États-Unis de côté. Pour le moment, nous avons d'autres préoccupations. Il faut absolument informer le monde de ce qui se passe ici. L'arme nucléaire aide à maintenir ce que l'on appelle l'équilibre de la terreur. L'arme chimique, elle, a vraiment une fonction meurtrière. Le monde est une cible facile. En quelque sorte, il est sans défense. Oui. La terreur. Mais c'est avec des gens courageux comme toi et ton père que l'on peut espérer changer quelque chose. Et quand tout le monde sera informé, tu peux être sûr qu'on ne pourra plus rien faire contre nous. Vous avez les négatifs? Oui, je les ai. Mais je peux te les rendre. Non. Ce que je vous demanderais, c'est de les envoyer à Amnesty International à Zurich, si moi je ne m'en sors pas. Ils ont le reste du matériel. Ils ont le reste du matériel? Mais quel matériel? Oh, ils ont de quoi écrire un livre. À vrai dire, nous avions commencé notre enquête il y a à peu près 2 mois aux États-Unis, lorsque des amis de mon éditeur qui étaient partis faire du camping dans le Dakota du Nord ont disparu. Ils s'étaient installés près d'un laboratoire militaire et ce laboratoire testait l'efficacité de certaines armes chimiques. Et un jour, un technicien a été contaminé. Heureusement, il a réussi à s'échapper. Et les agents de la sécurité sont partis à sa poursuite. Et ils ont tué tout le monde, je vois. Mais il se trouve que quelqu'un a été témoin de la scène. On a retrouvé ses traces il y a environ 1 mois. William ! Grayson, qu'est-ce que tu fous ici ? Je t'ai demandé de monter la garde. Bah justement, vieux. Il se trouve qu'on a des visiteurs. Je voulais te tenir au courant, c'est tout. Et comment sont-ils ? Ah bah regarde. Ben bonjour, ici Simon Chénier. Vous êtes à 70%, la meilleure place où je prendrai mes vacances. Certain, hein? Yes. Vas-y, fais-moi une petite nouvelle, après ça on va faire une annonce. D'accord, une toute petite ici pour le geek de Star Wars en puissance. Vous pouvez maintenant savoir comment se dit votre nom en R2D2, tout simplement en allant sur r2d2translator.com. Vous pouvez taper n'importe quel mot et il vous le traduira en droïde. Vous pouvez même le downloader en MP3. Ah, il va vraiment falloir qu'on ait un... Donne-nous une tape, là, voyons donc. Ça, apprécie. C'est incroyable. Merci, Bruno. C'est vraiment des nouvelles blindées. R-E-A-L-V-B-E-N-O-I-T. Realvbenoit.com. Pas d'accent. pas de, d'espace. Faut aller voir ça. C'est un monsieur très sympathique qui vient de recommencer sa carrière après une vingtaine d'années laissées de côté. Il a été redécouvert par Fred Fortin, vous venez de l'entendre dire. Oui. Tu veux-tu rajouter quelque chose, Israël? Non, non, à part que je t'aime. Merci. Sinon, il faut, faut aller voir ça, réalvbenoit.com. Là, on a eu le premier 27 minutes de l'entrevue. Il y en a pour 1h29. On va continuer au fil des émissions. Pour l'instant, on va vous laisser avec une des chansons que le monsieur a composées qu'on peut avoir sur l'album Trésor retrouvé qui vient de... En fait, c'est une compilation de succès réédités. C'est très disponible sur le site internet réalvbenoit.com. N'hésitez pas à aller voir, ça vaut la peine. D'accord. Puis c'est vendu, c'est pas cher, hein? Ça vaut la peine. Ben, on va écouter la toune, vous déciderez après. C'est le Festival des mineurs. Merci d'avoir écouté. Hey, je veux juste dire salut à Fred qui est en Italie en ce moment puis qui nous écoute. Hey, c'est fort ça. Cool. Oh ben, rock and roll. À la semaine prochaine, les amis, c'est un dernier spécial de Noël à part de ça. Thank you.